بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله متخي شيخ خائسر. Aujourd'hui le mercredi 20 رمضان 1441 de l'Hégire, correspondant au 13 mai 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble notre étude de la vie du prophète alayhi salatu wassalam à partir du livre de l'imam Ismaïl ibn Kathir al-Qurashi wa al-Dimashqi, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire, rahimahullah. Son livre qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati al-Rasul, comme on l'a vu, un livre concis sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel ce grand imam a parlé brièvement des événements importants dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et dans certains, comme on a pu le constater, il a détaillé plus que dans d'autres pour l'importance ou pour d'autres sagesses. On s'était rendu, on a parlé de la bataille de Badr, et ensuite on a parlé des différentes batailles qui ont eu lieu entre la bataille de Badr et la grande bataille de Uhud. Et on a vu également quelques événements qui se sont produits entre ces deux grandes batailles. Donc la bataille, aujourd'hui nous allons parler de la bataille de Uhud, inshallah ta'ala. Tout d'abord, Uhud, c'est une montagne qui se trouve dans le Madina et qui représente une des extrémités de le Madina. Car le Madina, comme dans les textes, elle se trouve entre deux montagnes, la montagne de Thawr et la montagne de Ayr. Et Uhud, elle est juste avant la montagne de Thawr, du côté de l'Madina. Donc c'est à l'intérieur de l'Madina. Cette montagne, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit en disant « Jabal Uhudin yuhibbuna wa nuhibbuh » La montagne de Uhud est une montagne qui nous aime et on l'aime. Donc c'est légiféré pour les croyants d'aimer la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, c'est une montagne qui fait à peu près 7 km par 3. C'est une très grande montagne. En réalité, c'est une série de montagnes. Et cette montagne, également, il y a plusieurs textes qui ont été rapportés à son sujet. Parmi les textes également, un jour, Nabi alayhi salam était au-dessus de la montagne de Uhud avec Abu Bakr et Omar et Uthman radiyallahu anhum. Et à un moment, la montagne de Uhud, comme si elle a commencé à trembler. Le Nabi alayhi salam a dit « Uthbut Uhud » Sois ferme. Il a dit à la montagne d'arrêter d'être stable, car il y a au-dessus de toi un prophète et un véridique et deux martyrs. Le prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le véridique, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et les deux martyrs sont Omar et Uthman radiyallahu anhum. Et qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, c'est à côté de cette montagne que se déroulera cette grande bataille dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs croyants et a éprouvé ses alliés. Et dans cette bataille, Allah azza wa jal a distingué les hypocrites des croyants. comme on l'a vu avec la grande victoire des croyants dans la bataille de Badr, les croyants sont devenus une puissance et une force redoutée. Et c'est ce qui a poussé certains dont la foi n'était pas arrivée dans leur cœur. Ça les a poussés à montrer l'islam en apparence uniquement, alors que au fond, c'était des mécréants. Et comme vous savez, l'hypocrisie apparaît avec la force de l'islam et des musulmans. Quand les musulmans sont forts et s'attachent à leur religion, c'est dans des conditions comme ça qu'apparaît l'hypocrisie. Mais quand les musulmans sont faibles, il n'y a pas d'hypocrisie. Il y a la mécréance et la foi. C'est pour ça, dans des pays comme l'Arabie Saoudite, vous constatez que al-munafiqin, ceux qui veulent critiquer l'islam, ils ne peuvent pas le critiquer ouvertement en disant que nous, on veut plus de cette religion, on veut plus de l'adhan, on veut plus de sharia, comme vous pouvez l'entendre dans d'autres pays où l'islam, où les musulmans sont faibles dans leur religion et dans leur pratique. Ça se dit ouvertement et plus publiquement par des gens dans ces pays-là où les musulmans sont faibles. Par contre, dans les pays où l'islam et les musulmans sont forts, à chaque fois quand je dis l'islam, ce que je veux, c'est le musulman. Parce que comme je vous ai précisé, l'islam est toujours fort. L'islam, c'est la religion d'Allah. L'islam, c'est la vérité. Que ce soit suivi par une personne ou par un milliard de personnes, ça ne change en rien la force de l'islam. L'islam est toujours très fort, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui devient fort et qui faiblit, c'est l'attachement des musulmans à cet islam. Donc je disais que dans des pays comme l'Arabie Saoudite, les hypocrites, ils critiquent l'islam, mais au nom de l'islam. Au nom de l'islam. Et c'est ce qui est arrivé également dans la période médinoise, où les musulmans sont devenus une grande force, une grande puissance, et beaucoup sont entrés dans l'islam par hypocrisie seulement, et qui n'étaient pas des vrais croyants. Je parle de la grande hypocrisie, qui est une mécréance. Et les grands hypocrites sont pires que les mécréants même, parce qu'ils arrivent à pénétrer les rangs des musulmans, ils peuvent faire des divisions, comme on va le voir dans cette bataille de Badr. Et ils peuvent faire des choses que n'arrivent pas à faire les mécréants clairs. Le mécréant clair, tu le reconnais de loin, et tu reconnais son danger, et tu es toujours en garde contre lui. Par contre, quelqu'un qui vient avec toi, qui fait le hajj, qui fait salat, et qui déteste l'islam au fond de lui, le musulmane, et qui souhaite la fin de l'islam et des musulmans, celui-là est beaucoup plus dangereux. Car l'ennemi intérieur est beaucoup plus dangereux que l'ennemi extérieur. D'où le danger également et la gravité des innovations et des innovateurs. Parce que eux, ils falsifient l'islam au nom de l'islam. Par contre, un mécréant qui vient, un chrétien ou un juif, et qui dit, ou autre, un athée, qui dit aux musulmans, on va changer le Coran, votre religion, elle est fausse, elle est erronée, qui va l'écouter? Mais quand quelqu'un, il vient petit à petit, avec des innovations, et avec des adorations inventées, qu'Allah Azzawajal n'a pas légiféré, ni son messager, alayhi salatu wassalam, là, c'est le grand danger. Le grand danger. Donc je disais que dans cette bataille, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les croyants et a distingué les vrais croyants des hypocrites. Et dans la vie le plus connu, le plus célèbre, cette bataille s'est déroulée dans la moitié de Shawwal, un samedi de l'année 3 de l'Hégire. Dans la moitié du mois de Shawwal, de l'année 3 de l'Hégire. Et c'était un samedi. Et parmi les causes de cette bataille, du côté de Quraysh, comme on a vu, après la défaite qu'a subi les mécréants de Quraysh, ils attendaient le jour pour venger leur mort et pour vaincre les musulmans. Ils attendaient ce jour-là avec impatience, au point où la caravane commerciale qu'ont essayé les croyants avec le prophète d'intercepter et qui était dirigée par Abu Sufyan Sakhr ibn Harb et qui n'ont pas pu avoir, qui a pris la fuite, et ensuite il y a eu la bataille de Badr. Cette caravane commerciale, comme on avait vu, c'était une très très grande caravane commerciale, remplie de biens et de richesses. Kuffar Quraysh, ils ont décidé, depuis que cette caravane a été sauvée, de réserver le capital et les bénéfices de cette caravane commerciale uniquement pour la vengeance qui allait avoir lieu dans le jour de Uhud, dans la bataille de Uhud. Donc Quraysh et à leur tête Abu Sufyan, qui est devenu le chef suprême de Quraysh après le décès de plus d'une vingtaine des têtes de la mécréance et des notables de Quraysh. 24 exactement ont été tués dans la bataille de Badr, parmi les 70 que les croyants ont tués ce jour-là. Donc Abu Sufyan, c'est devenu le chef suprême de Quraysh. Et il a montré sa grande volonté de venger les dignitaires de Quraysh. Également, Quraysh, son statut parmi les tribus arabes a été déstabilisé à cause de cette grande défaite qu'ils ont subie. Ils sont sortis dans leur fierté et dans leur gloire et orgueil avec les armes, tout ce qu'ils pouvaient avoir, avec les hommes, avec les chevaux, les chameaux et ainsi de suite, et en étant sûr qu'ils allaient dominer les musulmans et facilement. Et avec un écart de nombre, comme on l'a vu, 300 et quelques contre 1000, c'est-à-dire à peu près un homme pour trois. Et les musulmans n'étaient même pas bien équipés, bien armés, et ils n'avaient que très peu de montures, et malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire dans cette bataille. Car la victoire, en réalité, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les causes, ou plutôt la cause la plus importante de la victoire donnée par Allah, c'est de concrétiser le tawhid. De concrétiser le tawhid. Ça, c'est le point le plus important pour qu'Allah t'accorde une victoire. Et quand on parle de la victoire, il faut toujours avoir à l'esprit que la victoire qui est visée, c'est ce qui représente une victoire dans le dunya et une victoire dans l'akhirah. Car tu peux dominer ton adversaire dans le dunya, mais c'est pas un bien pour toi, c'est un mal auprès d'Allah. Et tu peux être vaincu contre ton adversaire, mais c'est un bien pour toi. C'est un bien pour toi. Ça sera une expiation. Ça sera des leçons à retenir. Ça sera des profits à tirer. Et ainsi de suite. Il y aura beaucoup de sagesse. Et de toute façon, on a la règle que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit par rapport aux croyants, que tout ce qui le touche est un bien pour lui. Et ça, du moment qu'il s'accroche au livre d'Allah et la sunna de son noble prophète, alayhi salatu wassalam, avec la bonne compréhension. Tout ce qui le touche, c'est un bien pour lui. Le Nabi alayhi salam a dit, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ كُلُّ أَمْرِهِ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبحان الله. حديث personnellement je me lasse jamais de le répéter, c'est immense dans ses sens. Bien évidemment, toutes les paroles du prophète alayhi salam sallam, c'est, on se lasse pas de les lire et de les répéter. Mais ce hadith, il a une particularité. Il a une particularité. Il exprime des choses très très fortes. Le Nabi alayhi salam sallam, il dit, عجبا لأمر المؤمن, étonnante l'affaire du croyant. Le croyant, son affaire, vraiment, c'est quelque chose de très, très étonnant. Et quelle est la cause de cet étonnement? Quel est le secret de cet étonnement? Al-Nabi alayhi salam, il dit, toute son affaire, tout ce qui le touche, est un bien pour lui. Et ça, c'est exclusivement réservé aux croyants. Et ce n'est valable pour personne d'autre. C'est uniquement le croyant qui bénéficie de cette ni'ma immense. Que tout ce qui le touche est un bien pour lui. Et ensuite, Nabi alayhi salam a détaillé en disant que quand il est touché par une bonne chose, il fait preuve de reconnaissance et ça sera un bien pour lui. Et non pas il va être rempli d'orgueil et il va se rebeller contre la volonté d'Allah quand il est touché par le bien, tel que la richesse ou quand il a toute sa santé ou autre parmi les ni'am par lesquels qu'Allah accorde à ses serviteurs. Wa in asabathu sarra, et quand il est touché par une catastrophe, par quelque chose de dur et d'amer, il fait preuve de patience et d'endurance, et ainsi ça sera un bien pour lui. Et le croyant, il ne sort pas de trois états. Dans toute sa vie, depuis qu'Allah le crée jusqu'à son décès. Ou bien il est dans une ni'ma, et ça c'est la première partie du hadith, et face à la ni'ma, il doit faire preuve de reconnaissance et de remerciement. Ou il est dans une épreuve, une catastrophe, et là il doit faire preuve de patience. Ou il commet un péché, et ça, ça fait partie des épreuves et des catastrophes. Car tomber dans un péché, c'est une catastrophe par laquelle est touché le croyant. Et face au péché, il doit se repentir et revenir vers Allah. Et plus sa foi est grande, plus rapidement il reviendra vers Allah. Donc le croyant, fort dans sa foi, c'est pas un homme qui commet pas de péché, mais c'est un homme qui revient immédiatement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Dès qu'il tombe dans le péché. Et le péché, il le rend meilleur. Il le rend meilleur dans le sens où il va avoir plus d'humilité vis-à-vis d'Allah. Et il va être encore plus modeste. Et il va s'éloigner encore plus de se complaire dans ses bonnes actions et de voir qu'il a mérite dans les adorations qui lui ont été facilitées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les causes de cette bataille, c'est que les mécréants de Quraysh voulaient venger leur mort. Et également ils voulaient récupérer le statut qu'ils avaient parmi les tribus arabes. Et faire oublier la défaite dans la bataille de Badr. Également, parmi leurs objectifs, c'était de mettre fin à toutes ces menaces qu'ont subi leur caravane commerciale et ces coups durs qu'a subi leur économie de manière générale. Donc, il dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, après la défaite de la plupart des maîtres de Quraysh et de leurs notables, et après avoir été touchés par cette grande catastrophe qui n'était pas du tout dans leur calcul, ils ne s'attendaient pas du tout à cette défaite, Abu Sufyan est devenu le chef suprême de Quraysh à cause du décès de la plupart de leurs maîtres. Et comme on a vu précédemment dans la bataille de Sawiq, Ghazwat Sawiq, dans laquelle Abu Sufyan est sorti pour tenir sa parole et respecter sa parole, quand il avait dit qu'il n'allait pas se purifier de l'état de grande impureté, de l'état de Janaba, jusqu'à venger les morts parmi Quraysh. Effectivement, il est sorti dans cette bataille de Sawir, il a coupé des palmiers, il a tué deux hommes parmi les musulmans, et ensuite il a pris la fuite. Et ils ont jeté derrière eux leurs provisions, qui étaient principalement du Sawir. C'est pour ça que cette bataille a été appelée la bataille de Sawir. Et depuis ce jour-là, Abu Sufyan n'a cessé de remonter les mécréants de Quraysh et leurs alliés parmi les tribus arabes afin de combattre le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'il a pu réunir une armée de 3000 hommes parmi Quraysh et parmi leurs alliés, les tribus qui étaient en alliance avec Quraysh, également parmi l'Ahabish. L'Ahabish, ce sont les tribus de Banu al-Mustaliq et de Banu al-Hun ibn Khuzayma. Donc Banu al-Mustaliq et Banu al-Hun ibn Khuzayma, qui se sont alliés avec Quraysh à côté d'une montagne qui s'appelle Hubshi. Et ils ont fait une alliance entre eux, les trois, qui seront ensemble une seule entité contre leurs ennemis. Et que ces trois tribus seront comme une seule contre leurs ennemis. Et si jamais l'une d'entre elles rentre dans un combat, les deux autres se joindront à elles. Tant que la montagne de Hubshi existe. C'est comme ça qu'ils ont dit. Ils ont dit tant que cette montagne existe, cette alliance est valable. Et donc, eux aussi se sont joints à l'armée de Abu Sufyan. Et ainsi, ils étaient à peu près 3000 hommes dans cette armée. Et ils avaient 200 chevaux et 700 armures. Et ça montre, vous avez constaté que le nombre de chevaux représente la force de l'armée. Car combattre à dos de cheval, c'est pas combattre à dos de chameau. Le cheval est beaucoup plus rapide et beaucoup, yani, est meilleur dans le combat. Et ils sont venus pour cette bataille, Kuffar Quraysh, ils sont venus avec leurs femmes. Ibn Ishaq dans Sira, il a dit qu'ils sont sortis avec 80 de leurs épouses. 80 femmes les a accompagnés dans cette bataille. Et ils ont sorti les femmes pour que personne ne prenne la fuite. Même s'ils faiblissent dans le combat, qui continuent, qui persévèrent. Car si jamais ils prennent la fuite, les musulmans vont prendre leurs femmes et ça sera la honte pour eux chez tous les Arabes à vie. Un homme qui fuit et qui laisse son honneur, qui laisse sa femme derrière lui, c'est la honte pour lui jusqu'à la fin des temps chez les Arabes. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient besoin de causes de ce genre pour augmenter la volonté des combattants parmi les koufars. Car ils ont vu les hommes auxquels ils avaient affaire et ils ont vu la bravoure et le courage et l'ardeur dans le combat des musulmans. Quand tu combats un homme qui vise le paradis, faut savoir que rien ne peut l'arrêter. Et c'est pour ça, dans ces batailles que les musulmans ont menées, à chaque fois, ils étaient inférieurs en nombre. Et ils arrivaient, par la grâce d'Allah et par son aide, à dominer facilement leurs ennemis. Et justement, dans cette bataille, comme on a vu le nombre de Quraysh, qu'ils étaient 3000, les musulmans sont sortis 1000 hommes. Et ceux qui ont mené la bataille étaient 700. Donc là, c'est à peu près 5 contre 1. 5 parmi Quraysh contre 1 parmi les musulmans. Et Kuffar Quraysh ont sorti avec leur armée en direction de Medina jusqu'à ce qu'ils se sont approchés de la montagne Uhud, là où ils se sont arrêtés à cause d'un petit mont, une colline qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Aynayn. Et ce petit mont aujourd'hui, et même à l'époque du prophète alayhi sallam, il a été appelé ensuite Jabal al-Rumat, la montagne ou le mont des archers. Le mont des archers. Mais à la base, son nom, c'est le mont de Aynayn. Et c'est un mont juste à côté de Uhud. Il n'y a qu'une vallée qui les sépare. Ils sont venus, comme on l'a vu, dans l'année 3 de l'Hégire. Dans l'année 3 de l'Hégire, dans le mois de Shawwal. Et quand ils sont arrivés à cet endroit, quand Kuffar Quraysh se sont installés à Uhud, c'est-à-dire qu'ils sont très très proches des lieux d'habitation des musulmans, le Nabi Aïssa al-Salam a consulté ses compagnons, radiallahu anhum, et il a demandé leur avis. Qu'est-ce que vous pensez? On sort pour les rencontrer là où ils sont, ou on reste à Médine et on les attend? Et le fait de rester à Médine était moins risqué et moins dangereux pour les musulmans, parce que sortir vers la montagne de Uhud, c'est combattre à terrain ouvert et s'exposer à beaucoup de dangers. Contrairement à rester à Médine et profiter des forteresses et des châteaux qui s'y trouvent, ça, c'est dit, tu peux repousser ton ennemi beaucoup plus facilement. Et Nabi alayhi salatu wassalam, comme a dit Ibn Ishaq dans Sira, il préférait rester à Médine parce que c'est moins risqué pour ses compagnons. C'est moins risqué pour ses compagnons. Mais il leur a demandé leur opinion. Et comme parmi les compagnons, il y en avait qui avaient loupé la bataille de Badr et qui n'avaient pas participé dans la bataille de Badr. Car, comme on a vu, ils ne savaient pas que ça allait être une bataille. C'est uniquement intercepter une caravane. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas pu sortir, en plus de ceux qui voulaient sortir et que leur monture n'était pas prête. Donc il y avait beaucoup de compagnons, radiallahu anhum, qui n'avaient pas participé, ils n'avaient pas l'honneur de participer dans la bataille de Badr. Et donc pour eux, cette bataille de Uhud, c'est une occasion qu'il faut pas louper. C'est une occasion à saisir. Et c'est pour ça, ils ont montré une grande détermination à sortir, les rencontrer là où ils sont à Uhud, et de ne pas rester à Médine. Et ils ont tellement insisté sur cela. Et parmi ceux qui étaient présents, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie, cet homme qui a montré l'islam. Maintenant, il a montré l'islam. C'est un musulman en apparence, mais c'est un grand mécréant au fond. On le sait parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Mais on n'a pas le droit de critiquer un croyant et de penser du mal de lui sans qu'il y ait une raison valable. Mais cet homme, on dit ça de lui parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, comme Allah l'a informé. Et avant sa mort, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une liste de tous les hypocrites, yani de Medina, et il l'a donné à Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Et quand l'un d'entre eux décédait, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne priait pas sur lui, Hudhayfa. Et subhanallah, Omar, comme vous le savez, il est parti voir Hudhayfa, quand il a entendu parler de cette liste d'hypocrites, il lui a dit, est-ce que mon nom figure dans cette liste? Hudhayfa radiallahu anhu lui a dit non, et je ne dirai plus rien à personne après toi. Il en a ouvert cette porte et tout le monde vient demander, ni ça sera plus un secret comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu. Mais regardez comment Omar il est radiallahu anhu, un des 10 annoncés au paradis, le deuxième meilleur homme après Abu Bakr de cette, dans cette communauté, et après leur prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Omar radiallahu anhu, un homme, sa foi dans la balance, si tu comptes pas Abu Bakr et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sa foi dans la balance est plus lourde que la foi de toute la Umma, excepté Abu Bakr et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et yani, il se pose la question, est-ce qu'il fait partie des hypocrites? Et ses compagnons, ils ne faisaient pas semblant, comme nous on peut le faire aujourd'hui. C'est parce qu'ils avaient très très peur pour leur religion et pour leur foi, et ils avaient très peur de l'hypocrisie, et ils avaient très peur de l'ostentation. Et ça, plus ta foi augmente, plus tu vas avoir peur de ces choses-là. Et plus ta foi diminue, moins tu vas craindre ces choses-là. Ça, ça te permet de savoir ton niveau de foi. Plus tu crains de tomber dans le shirk, plus tu crains de perdre ta religion, plus tu crains l'ostentation, plus tu crains l'hypocrisie, plus c'est un signe que ta foi est élevée. Bien évidemment, sans que ça devienne maladif. L'ouswasa, tout ça. Non, on parle d'une crainte qui va te pousser à multiplier les œuvres pieuses et ne jamais te sentir à l'abri. C'est ça la crainte qui est louée et la peur qui est louée. Amma, que ça devient maladif et ça t'empêche de vivre, ça, ça vient de shaitan. Il faut chercher refuge auprès d'Allah Azzawajal contre cela et multiplier la récitation du Coran et surtout le Baqara pour qu'Allah éloigne de toi ce shaitan, ce shayatin qui te donne ces choses-là. Car ça, c'est pas, yani, demandé dans l'islam. Une peur qui t'empêche de dormir, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche comme ça. Donc, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, lui, il a dit, son avis était de rester fil Medina. Et certains parmi les compagnons, radiallahu anhum, étaient du même avis que lui. Mais quand les autres, qui étaient beaucoup plus nombreux, ont insisté, le Nabi alayhi salam est entré chez lui, et il a porté son armure, des revêtements de guerre et de bataille, c'est comme un gilet que porte le combattant en maille, avec du fer, dans lequel il y a comme des anneaux pour le protéger des coups d'épée et ainsi de suite dans la bataille. C'est le même principe que le gilet par balle. Mais le gilet par balle, c'est pour protéger des balles uniquement. Celui-là, c'est fait exprès pour protéger des épées et des lances pendant la bataille. Donc, Nabi alayhi salam a parlé, a porté sa tenue de guerre, ce qu'on appelle al-la'ma, ou on dit al-lama, sans prononcer le hamza. Les deux sont justes. Donc il a porté son armure, et il a pris ses armes, et il s'est préparé pour la bataille, il est sorti. Et quand ils l'ont vu de sortir, certains parmi les compagnons, radiallahu anhum, qui avaient insisté beaucoup au début, pour sortir à la rencontre des ennemis, vers la montagne de Uhud, comme si ils ont pensé qu'ils ont forcé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que lui préférait rester fil Medina, ils ont dit au messager d'Allah, si tu préfères rester à Médine, alors on te suit. Il leur a dit, le temps de la consultation était fini. Et la décision a été prise. Le Nabi alayhi salam leur a dit, il ne se doit pas un prophète, quand il porte ses armes, de les retirer avant de combattre. Avant de combattre. Rapporté par l'imam al-Bukhari, dans son authentique, c'est un hadith mu'allaq. C'est-à-dire, l'imam al-Bukhari le cite du prophète alayhi salam directement. Mais comme vous savez, le mu'allaqat dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, la plupart ont été rapportés jusqu'au prophète alayhi salam par al-Hafidh ibn Hajar. Par al-Hafidh ibn Hajar, il a fait un livre spécialement pour le mu'allaqat dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Le mu'allaqat, c'est tous les hadiths dans lesquels l'imam al-Bukhari, il va citer le hadith lui-même du prophète alayhi salatu wassalam directement ou d'un de ses chouyours du prophète alayhi salatu wassalam. Et avant de sortir pour cette bataille, un homme était décédé parmi les Bani Najjar, ils l'ont ramené et le prophète alayhi salam a prié sur lui. C'était un vendredi. Et ensuite, Nabi alayhi salam est sorti avec à peu près 1000 hommes. Ils sont sortis, leur nombre était 1000 hommes. Et il a laissé comme responsable de Medina Abdullah ibn Umm Maktoum, radiyallahu anhu, son mu'addin également. Et ils sont sortis 1000 à peu près, 1000 hommes, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Shout. Ils sont sortis de Medina vers la montagne de Uhud. Et à mi-chemin, à peu près, à un endroit qui s'appelle Shout, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ce grand ennemi d'Allah, cet hypocrite, il s'est écarté de l'armée et il a fait demi-tour. Il a dit qu'il n'allait pas continuer avec le Nabi alayhi salam et qu'il allait retourner à Médine. Il a réussi à faire désister avec lui 300 hommes. Certains c'étaient des croyants et qui l'ont écouté, et d'autres c'étaient des hypocrites comme lui. En tout cas, il a réussi à faire demi-tour avec 300 hommes de l'armée du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a sorti comme excuse que de toute façon les croyants ne vont pas combattre en dehors de Medina. Donc qui vont pas combattre. Et ça, c'est un mensonge. Yani, rien que ce qu'on vient de voir de cette bataille, vous avez compris que il va y avoir le combat. Kuffar Quraysh sont prêts, ils attendent, les croyants sont sortis à leur rencontre, est-ce qu'on s'imagine qu'il va pas y avoir de combat? Ce qui est apparent et clair, c'est que le combat aura lieu. Mais ça, c'était une fausse excuse de cet homme. Et il a dit, pourquoi on va sortir avec le prophète alayhi salam et combattre avec lui et exposer nos âmes au danger alors qu'il a écouté l'avis de certains jeunes et il n'a pas écouté mon avis à moi. Et Abdullah ibn Haram, radiyallahu anhu, le père de Jabir ibn Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram, radiyallahu anhu, il les a suivis ensuite et il les a blâmés. Il les a incités à continuer avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Chose qu'ils ont refusé et ils ont dit, si on savait qu'il y allait avoir combat, on vous aurait accompagné. Et ça, comme j'ai dit, c'était un mensonge. Et quand ils ont refusé, il a été rapporté que Abdullah ibn Haram, radiyallahu anhu, les a insultés. C'est rapporté que Abdullah ibn Haram, radiyallahu anhu, les a insultés. Et parmi ce qui a été rapporté qu'il leur a dit, il leur a dit qu'Allah vous éloigne. Allah suffira son prophète. Allah suffira son prophète de votre compagnie. C'est-à-dire qu'Allah lui donnera meilleur que votre compagnie. Et Nabi alayhi salam a continué vers la montagne de Uhud avec les hommes qui restaient avec lui, 700 hommes, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un petit passage à côté de Uhud. À côté de Uhud, où ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés dans une vallée, dans la vallée de la montagne de Uhud. La vallée de la montagne de Uhud. Et ils se sont arrêtés, yani, du côté de la vallée, et non pas du côté de la montagne. La vallée, yani, c'est un endroit, quand il y a des torrents, des fortes pluies, l'eau, elle va passer par ces endroits-là, à côté des montagnes. C'est ce qu'on appelle Al-Udwa. C'est ce qu'on appelle Afwan Al-Wadi. Al-Wadi, la vallée. Et ils se sont arrêtés du côté de la vallée, et non pas du côté de la montagne de Uhud. C'est-à-dire qu'ils vont être... ils vont donner leur dos vers la montagne de Uhud. Et avec leur visage, ils vont être en direction de Medina. Donc Uhud sera derrière eux. Sera derrière eux. Et comme on a vu, ils vont être protégés, l'arrière de l'armée sera protégé par l'armée, par la montagne de Uhud. Et Nabi Aïssa-Salam a interdit à tout le monde d'entamer le combat jusqu'à ce qu'il leur donne l'ordre explicite de commencer le combat. Et quand il a préparé son armée, il a aligné les rangs, il a fait le nécessaire, il a désigné, et il y avait dans cette armée des musulmans, il y avait 50 chevaliers contre 200 chez Quraysh et 700 hommes contre 3000 chez Quraysh. De ces 700 hommes, Nabi Isa Salam a désigné 50. Il leur a ordonné 50 et c'étaient tous des archers. C'étaient tous des archers, des lanceurs de flèches expérimentés. Il les a désignés, une cinquantaine d'hommes. Il a désigné à leur tête Abdullah ibn Jubayr, leur responsable et leur supérieur, qu'ils doivent écouter et à qui ils doivent obéir. Et Nabi alayhi salam leur a donné des consignes extrêmement claires et explicites. Il leur a dit, ne quittez pas vos emplacements, quoi qu'il arrive. Même si vous voyez qu'ils nous ont tués jusqu'au dernier et qu'ils nous ont exterminés, ne quittez pas vos emplacements. Même si vous voyez qu'on les a dominés, et qu'on a gagné la bataille, et qu'on a commencé à partager les butins, ne quittez pas vos emplacements jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de quitter vos emplacements. Donc vous voyez comment c'était explicite, les consignes de Nabi alayhi salam. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala veut une chose et prédestine une chose, rien ne peut l'empêcher. Et il a ordonné à ces 50 hommes de garder l'arrière de l'armée et de protéger les musulmans par derrière et d'empêcher Quraysh d'atteindre l'armée par derrière. Et ce jour-là, Nabi alayhi salam a porté deux armures, l'une sur l'autre. Il a porté deux armures. Nabi alayhi salam, il a participé dans cette bataille. Il avait à peu près 56 ans. Il est arrivé à Medina à 53 ans. Il a la bataille de Badr, de Uhud, la troisième année de l'Hégire, Donc, il devait avoir 56 ans, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, il a porté deux armures. Et ça, c'est très difficile. Parce que porter deux armures, ça va te rendre très lourd. Déjà une, ça rend lourd. Il faut s'imaginer les armures qu'ils avaient à l'époque. C'est en fer et c'est lourd. Et le Nabi alayhi salam, dans cette bataille, il a donné l'étendard des muslimines à Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, qui va tomber martyr dans cette bataille. Et il a désigné sur le côté droit de l'armée Az-Zubayr ibn al-Awwam. Wa'afwan. Il n'a pas été, l'imam ibn Kathir n'a pas précisé quel côté. Et je n'ai pas regardé ce point. En tout cas, il a dit qu'il a mis sur un côté de l'armée, il a mis Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et sur l'autre côté de l'armée, il a mis Al-Mundhir ibn Amr. Al-Mundhir ibn Amr, qui était surnommé Al-Mu'niqu liyamut. Al-Mu'niqu liyamut. Al-Mu'niq, c'est-à-dire celui qui se hâte. Qui se hâte pour mourir. Car il faisait tout pour bénéficier du degré de martyr dans le sentier d'Allah. Radiallahu anhu. Et effectivement, yani, il n'est pas tombé martyr dans cette bataille, radiallahu anhu, Al-Mundhir ibn Amr, mais il est tombé martyr à peu près 4 mois plus tard, dans le mois Safar, de l'année 4 de l'Hégire, dans une expédition qui a été appelée l'expédition de Bi'ru Ma'una, qu'on va voir, inshallah, quand l'imam ibn Kathir va l'aborder. Mais sinon, Bi'ru Ma'una, c'est une expédition dans laquelle le prophète sallam a envoyé 70 hommes parmi ses compagnons. Et c'était parmi les meilleurs des compagnons. C'était parmi les mémorisateurs du Coran et parmi les savants des Sahaba. Il les a envoyés dans une histoire, yani, qu'on va voir, un homme qui a demandé des compagnons pour faire da'wah à l'islam. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trahi et les ont tués tous. Il n'y a qu'un seul sahabi qui a pu échapper, c'est Ka'b ibn Zayd, radiyallahu anhu. Et lui, il n'a pas échappé parce qu'il a pris la fuite. Parce qu'ils l'ont blessé, il était tombé parmi les cadavres, et ils ont cru qu'il était mort, mais qu'il n'était pas complètement mort, et il a pu être sauvé par la suite, radiyallahu anhu. Et Al-Mundhir ibn Amr, Al-Mu'niqu liyamut, celui qui se hâte à avoir le martyr, radiallahu anhu, c'était le responsable de cette expédition de Bi'ru Ma'una. Il était à la tête de cette expédition, radiallahu anhu. Et il a été tué cette année-là, l'année 4 de l'Hégire, radiallahu anhu. Et Kuffar Quraysh, à leur tour, ils ont désigné Khalid ibn al-Walid sur le côté droit de leur armée. Et ils ont désigné Ikrim ibn Abi Jahl sur le côté gauche. Les deux vont devenir des musulmans. Les deux sont entrés dans l'islam. Et les deux, c'était des combattants extrêmement doués, extrêmement intelligents, et qui avaient des plans, yani, des plans très forts, et ils étaient très forts dans les stratégies de guerre. Khalid ibn al-Walid et Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhuma. Mais là, c'était aux côtés des mécréants. Et c'est ces deux hommes en particulier qui vont faire très très mal dans l'armée des musulmans. Et sur la route vers l'endroit où s'est déroulée cette bataille, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit à son frère Zayd ibn al-Khattab, lui a dit, prends mon armure. et combat avec Zayd, radiallahu anhu, il est entré dans l'islam avant son frère Omar. Il est tombé martyr dans la bataille de l'Yamama contre les Banu Hanifa, la tribu de Musaylim al-Kadhab, cet homme qui a prétendu être prophète et qui essayait d'imiter les sourates qui ont été révélées au prophète alayhi salatu wassalam, les petites sourates. Mais quand tu lis ce qu'il disait, c'était, entre parenthèses, comme des blagues. Et c'est pour ça, les gens de sa tribu, ils savaient que c'était un menteur. Mais ils préféraient lui au prophète alayhi salatu wassalam parce qu'il est des leurs. Subhanallah, c'est ça, l'asabiya qu'avaient les Arabes. C'était la cause que certains n'ont pas accepté l'islam. Et malheureusement, ça continue encore aujourd'hui. Même si on a accepté l'islam, mais ces mauvaises choses que l'islam est venu pour combattre continuent à exister dans les rangs de certains de nos frères qu'Allah nous guide tous. Et ils font la distinction entre lui marocain, lui algérien, lui tunisien. Et après tu rentres dans un seul pays, par exemple le Maroc, tu vas trouver lui il est kazaoui, lui il est marrakchi, lui il est... Et ça se termine pas. Et tu rentres même dans une même ville, tu vas trouver que c'est par quartier. Et ça, c'est parmi les moyens de Shaytan pour diviser. Et donc, je disais que Zayd est tombé martyr dans la bataille de l'Yamama, qui a eu lieu après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Les compagnons, dirigés par Abu Bakr Siddiq, ont combattu la tribu de Abu Hanifa, la tribu de Musaylim al-Kadhab, les Banu Hanifa. Et subhanallah, parmi les points que les savants citent, c'est que il y avait un homme qui s'appelait Ar-Rajjal ibn Unfuwa. Ar-Rajjal ibn Unfuwa. Cet homme est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé à l'islam, il a montré l'acceptation de l'islam. Il est resté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam un moment, pendant lequel il a mémorisé le Coran, du Coran, il a appris des hadiths, il a appris pas mal d'enseignements de l'islam, et ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand il a vu qu'il était prêt pour da'wah, il lui a dit, retourne dans ta tribu Banu Hanifa, et appelle-les à l'islam, et montre-leur l'égarement de Musaylima, car Musaylima c'était un ami à lui. Et effectivement, il est parti, et quand il est arrivé là-bas, il a apostasié. Alors, est-ce que vraiment il a apostasié, ou il est jamais entré dans l'islam, mais il a fait ça juste pour faire ce plan que je vais vous citer? Les deux choses ont été citées, wallahu alam. Mais en tout cas, ils disent que cet homme a pu faire plus de mal que Musaylima lui-même. Et vous allez comprendre pourquoi je vous cite ce point. Un homme qui a montré l'islam et ensuite qui a apostasié, il a réussi à faire plus de mal et égarer plus de gens que celui qui a prétendu être prophète même. Et ça, le kuffar l'ont compris. C'est pour ça, vous constatez que quand il y a une femme qui rejette l'islam et qui apostasie, ils l'accueillent partout, ils la reçoivent, ils lui donnent des prix, ou un homme, peu importe, une femme ou un homme, mais souvent ils font ça avec les femmes. Et elle commence à parler de l'islam, qu'elle a été maltraitée, que l'islam est injuste envers la femme, et des mensonges. Malgré que eux-mêmes ils savent que c'est des mensonges. Mais ça va toucher plus les gens qui sont pas muslimines, que quand un mécréant parle. Comme ils disent, وَشَهِدَ شَهِدًا مِنْ أَهْلِهَا. Donc ils disent que cet homme, Rajjal ibn Unfuwa, il a pu faire plus de mal que Musaylima al-Kadhab lui-même. Et sa fitna, lui, était plus grande que la fitna de Musaylima al-Kadhab. Et Rajal ibn Unfwa a été tué par Zayd ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le frère de Omar. Il a été tué par Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar, dans cette bataille de Banu Hanifa, radiallahu anhu. Et lui-même, il est tombé martyr dans cette bataille, Zayd, radiallahu anhu. Et quand Omar a entendu qu'il était tombé martyr, il a dit, il est entré avant moi dans l'islam, et il a bénéficié du degré du martyr avant moi également. Et pourquoi on a cité tout ça? Parce qu'on parlait de Zayd et que Omar lui a proposé son armure. Et Zayd a refusé. Il lui a dit, porte-la, toi. Omar a dit, j'en ai pas besoin, porte-la toi. Il voulait que son frère se protège avec. Et finalement, aucun des deux ne l'a porté. Et ils ont participé dans cette bataille sans armure. Ça vous montre le courage de ces hommes. Le courage de ces hommes et comment ils demandaient le martyr. Dans cette bataille, ont été présentés au prophète Aïssa al-Salam beaucoup de jeunes qui souhaitaient participer dans la bataille. Il a accepté parmi eux Samura ibn Jundub et Rafi' ibn Khadij. Rafi' ibn Khadij, malgré son jeune âge, le prophète Aïssa al-Salam l'a accepté. Il avait 15 ans seulement. Il l'a accepté malgré son jeune âge parce qu'il a été informé qu'il était très fort dans le lancement de flèches et que c'était un archer très fort. Donc le Nabi alayhi sallam l'a accepté. Et quand Samura ibn Jundub s'est présenté, le Nabi alayhi sallam l'a refusé à cause de son jeune âge. Il avait à peu près le même âge que Rafi' radiallahu anhu. Et quand il l'a refusé, Samura a dit au messager d'Allah, tu l'acceptes lui, tu me refuses moi alors que je suis plus fort que lui. Il a dit, t'es plus fort que lui? Il a dit, non. Il a ordonné à ce qu'il fasse une lutte, et effectivement, Samura l'a dominé dans la lutte. Et il l'a accepté également. Mais sinon, le Nabi alayhi sallam a refusé 14 jeunes qui se sont présentés ce jour-là. Entre autres, Usama ibn Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu, et Usayd ibn Zuhayr, et Al-Bara ibn Azib, et Zayd ibn Arqam, et Zayd ibn Thabit et Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar qui s'est présenté déjà avec le Bara ibn Azib dans la bataille de Badr et qui ont été recalés, et là ils se présentent une autre fois et Nabi alayhi sallam ne les a pas acceptés cette fois encore parce que les 14, ils avaient à peu près 14 ans. Également Arab ibn Aous et Amr ibn Hazm, et tous Nabi alayhi sallam les a acceptés dans la bataille de Khandaq, les tranchées. Et comme on a vu, Quraysh s'est préparé également. Ils étaient 3200 chevaliers et il y avait dans leur rang Khalid ibn al-Walid et Ikrimah ibn Abi Jahl. Et il y avait parmi les rangs des mécréants, des associatres, ce jour-là, il y avait un homme qui s'appelait Abu Amir al-Rahib. Son nom c'est Abd Amr ibn Saifi. C'était un des maîtres de l'Aws dans la Jahiliya, dans la période anté-islamique. Et c'était un grand adorateur. C'est pour ça qu'il l'appelait Abu Amir al-Rahib. Et cet homme, cet homme, quand l'islam est venu, et que le prophète alayhi sallam est venu, il a refusé d'entrer dans l'islam. Il a refusé d'entrer dans l'islam. Et il ne cachait pas du tout sa haine et son animosité pour le prophète alayhi sallam. Le Nabi alayhi sallam a invoqué Allah contre lui. Et un jour, cet homme est parti, il est sorti de Medina, il est parti chez Quraysh, à Mecca. Il a commencé à les remonter et les inciter à combattre le prophète alayhi salatu wassalam. et avec toute la rage et la fureur qu'ils avaient eux déjà, yani, ça les a renforcés encore plus. La rage et la fureur qu'ils avaient contre les musulmans. Et il leur a promis que le jour où ils vont sortir, il va sortir, en plus de sortir avec eux, lui, quand ils vont arriver à Médine, il va appeler les siens, sa tribu, à se joindre au rang des koufars. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il est sorti dans l'armée de Quraysh pour combattre le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il est arrivé à Médine, il a crié fort. Il a dit, « Ol Aous, rejoignez-moi et combattez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Et ils l'ont, personne ne l'a écouté, ils l'ont insulté, et ils l'ont appelé « Ya Fasiq, déviant » au lieu de « Rahib ». C'est pour ça qu'il disait « Abu Amir al-Fasiq », le déviant, le pervers. Et il a commencé à combattre, et il a dit à Quraysh, les miens, les siens, c'est-à-dire sa tribu, ont été touchés par un grand mal après mon départ. C'est-à-dire que, voilà, ils l'ont pas écouté, ils n'ont pas écouté leur maître. Et il a combattu d'une manière très forte ce jour-là. Et jeté les musulmans avec les pierres en plus. Le slogan des musulmans dans cette bataille, Nabi alayhi salam, il leur choisissait comme des slogans qu'il disait pendant la bataille. Le slogan de cette bataille, Al-Shi'ar, était Amit, Amit, tu, tu, tu, tu. Et la bataille a commencé, cette bataille de Uhud, a commencé avec un duel entre Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et Talha ibn Uthman, celui qui portait l'étendard des mécréants. Et Ali radiallahu anhu l'a tué. Et dans cette bataille, les musulmans ont fait preuve de beaucoup de courage et beaucoup d'héros dans les rangs des musulmans ont été observés ce jour-là. Et ils ont fait des choses que nous allons voir, bi'idhnillah, dans le cours de demain, si Allah nous le permet, dans lequel nous allons parler du déroulement de cette bataille, et nous parlerons également de tout ce que le Nabi alayhi salam a subi dans cette bataille. C'est pour ça, Aïcha radiallahu anha, comme on l'a vu précédemment, elle a dit au prophète alayhi salam, est-ce que tu as connu un jour dans lequel tu as subi de ton peuple plus que ce que tu as subi dans la bataille de Uhud? Il y en a pour elle, c'était immense ce qu'il a subi. Et effectivement, on va voir ce qu'il a subi, alayhi salatu wassalam, avec son âge. Il avait, comme on a vu, 56 ans. Et tout ce qu'il a subi dans cette bataille. Et nous allons voir, yani, les conséquences de cette bataille et de ce qui s'est produit pendant et après la bataille. Voilà pour aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables et de nous raffermir dans sa religion jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala et de nous faciliter et de nous aider dans l'adoration, surtout pendant ces 10 dernières nuits de Ramadan qui vont commencer pour nous cette nuit, et pour ceux qui ont commencé le jeûne un jour plus tard, les 10 nuits commenceront demain, par exemple au Maroc. Il y a des frères qui se posent la question, est-ce que Laylat al-Qadr, c'est une seule nuit sur Terre, par exemple, pour cette année, ou ça peut être Laylat al-Qadr au Maroc, telle nuit, et en Arabie Saoudite, une autre nuit différente, à cause du décalage? Car Laylat al-Qadr est forcément dans les nuits impaires. Na'am, Laylat al-Qadr est forcément dans les nuits impaires. Et Laylat al-Qadr est forcément dans les 10 dernières nuits de Ramadan.